Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 0 de Madagascar, un podcast généraliste fait par 4 amis, Fabien, François, Florian et moi-même, Grégory, qui traitera de sujets divers et variés. Cet épisode 0 va traiter de l'écrivain Michel Houellebecq, de la stagnation des records dans le sport, de l'affaire Benjamin Griveaux et de la robotisation des tâches dans la société. Je vous laisse avec la synthèse de nos échanges, sachant que le premier sujet est traité par moi-même et sur Michel Houellebecq. Voilà, bonne écoute. Base, je voulais parler du dernier livre de Houellebecq, Sérotonine, qui est sorti il y a quand même il y a un an maintenant, mais bon, le temps que je rattrape un peu mon retard, hein, parentalité oblige. En fait, c'est pas le bouquin de lui que j'ai aimé le plus. Du coup, je suis revenu un peu sur ses anciens bouquins, puis un peu comment il travaillait, puisque c'est ça, je pense, qui est intéressant et qui fait que c'est un peu, c'est une rockstar de la littérature aujourd'hui, Houellebecq. Donc, il y a plusieurs thèmes qui sont intéressants, hein, quand on regarde, ses livres. Alors déjà, je vous rappelais un petit peu ses livres et les thèmes. Donc, ça va être rapide, hein, il en a fait 5-6. Le premier, c'est l'extension du domaine de la lutte. Bon, c'est l'histoire d'un cadre moyen qui a une vie sexuelle assez monotone et puis qui est dépressif. Ça s'est passé il y a une vingtaine d'années. Et pour information, en fait, c'est tiré de sa vie, puisque lui était cadre moyen. En fait, c'est un ingénieur. Il travaillait en SS2I chez Unilog, d'ailleurs. Donc ça, c'est son premier livre. Il y a déjà des thèmes qui vont revenir. Donc il y a la misère sexuelle, premier thème. Particules élémentaires, donc là c'est plutôt un bouquin de SF avec de la physique quantique. Alors ça aussi c'est intéressant, c'est qu'en fait on va le voir dans ses livres, il va à chaque fois prendre, il y a des choses qui vont ressembler, mais il va sûrement avoir un thème principal qui va changer. Donc dans le premier effectivement c'était voilà, le classe moyen qui est un peu broyé par la société, et là c'est plutôt sur de la SF. Avec toujours une partie de misère sexuelle. Plateforme, alors là, c'est assez étrange. Hein, selon moi, celui-là, s'il sortait aujourd'hui, ce serait plus compliqué. Parce que c'est la prostitution en Thaïlande et le tourisme sexuel. Bon, ça, jusque-là, ça va. Mais il y a un bon versant sur le terrorisme islamique dedans. En fait, bon, je défriche un peu le livre. Hein, les islamistes aiment pas trop voilà, il y ait des centres un peu de trucs de boîte à partouze au Maroc ou autre. La possibilité d'une île, donc moi j'ai découvert avec celui-là qui est sorti en 2005. Pour moi c'est le plus abouti, on est vraiment aux franges de la science-fiction, de l'anticipation, sur le clonage d'êtres humains et on retrouve un aspect misère sexuelle mais qui est un peu mieux amené. La carte et le territoire, cette fois-ci on est sur de la création artistique, on est sur de l'art contemporain. Donc là un autre thème voilà qui a défriché, il connaissait pas, hein, il s'est vachement documenté, il a travaillé avec une doctorante, je sais plus quelle, je crois que c'est Huguin qui l'a étudié. Et puis Soumission, qui a beaucoup fait parler de lui. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un petit peu avant les tristes attentats là de 2015. En fait, Houellebecq. Donc là, c'est plutôt sur la politique et l'islamisme dans le livre en fait, qui est un roman anticipation. Il parle d'un premier président musulman en France. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de polémique enfin, dans le livre. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était, comparé à ses anciens livres, vraiment virulent, mais bon, c'est tombé au mauvais moment. Et puis, Sérotonine, alors, qui parle plutôt de l'agriculture, et pareil, d'un cadre du coup vieillissant qui, pareil, une certaine misère sexuelle, a du mal à trouver l'amour. Bon, dans ces différents thèmes, donc qui sont assez variés, il y a quand même l'idée toujours du cadre moyen, vieillissant, qui est une misère sexuelle assez prononcée, qui est en fait Michel Houellebecq lui-même. Des fois, il se cache pas trop, d'ailleurs, je veux le dire, même s'il apparaît des fois dans ses livres, je crois qu'il apparaît dans la carte et le territoire où il se fait tuer. Bon. Un petit peu marrant, mais voilà quoi. Son héros le ressemble, c'est quelqu'un de frustré, de désabusé, qui est un peu dépressif. Je pense que c'est ce qu'il est profondément, même si aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus. Enfin, il est dans la notoriété, donc il le dit lui-même dans ses interviews, il a du mal à tenir son personnage, entre guillemets, puisqu'il est passé un peu du côté des winners. Donc, du coup, maintenant, pour essayer de revenir un peu sur les gens qui souffrent et comprendre un peu la souffrance des gens, ça devient un peu plus difficile. Et du coup, il est obligé de travailler ces sujets et puis d'essayer de comprendre la société qui nous entoure. Alors, ce qui amène à un autre point, donc il y a eu les thèmes, il y a eu le héros. Et en fait, ce qu'on apprécie beaucoup chez Houellebecq, c'est ce troisième thème, c'est les anticipations qu'il arrive à voir. En fait, il fait un peu de sociologie, c'est quelqu'un qui observe beaucoup les sociétés. Et il arrive, en fait, à travers des signaux faibles, à détecter des choses qui vont arriver. Donc, bon, le clonage humain de Possibilité d'une, ça s'est confirmé plus ou moins officieusement. Alors, lui, c'était par une secte. Je crois que c'est, en réalité, c'est un professeur chinois un peu fou qui a fait ça. Les gilets jaunes, dans Sérotonine, alors, c'est pas exactement ça. Il a plutôt prédit une révolte des agriculteurs, mais effectivement, il y a des signes qui laissent à penser que voilà, quoi, ça. Les agriculteurs pourraient pu avoir un destin un peu à la gilet jaune. D'ailleurs, peut-être des agriculteurs qui sont gilets jaunes, donc des gens vraiment restés sur le carreau, qui ont une certaine révolte en eux. Et puis, on a, alors plutôt dans plateforme, hein, l'histoire de la prostitution en Thaïlande et dans les pays aussi du Maghreb, là, le terrorisme qui vient et que, voilà, Houellebecq avait prédit, entre guillemets, qu'il y aurait eu un choc de culture, hein. Entre deux civilisations, entre guillemets. Donc voilà, après, c'est pas. Il y a aussi des reproches à lui faire, hein. On parle de ça, mais il y a aussi des ratés dans ses livres sur des prédictions qui sont avérées fausses. Voilà, il n'a pas tout prédit. Et il y a aussi une certaine misogynie dans les livres, donc ça, c'est un autre thème que je voulais aborder. C'est Houellebecq et les femmes, c'est un peu compliqué. Je pense pas qu'il croit vraiment à l'amour, ou même à la stabilité d'un couple. Et dans ces livres, en fait, ça se ressent, quoi. Les héros, entre guillemets, les héros, souvent des histoires d'amour chaotiques, ça se passe assez mal, et ça les emmène souvent à la dépression, ou alors avec du sexe un peu cru, bon. Dans le dernier livre, c'est encore pire, parce qu'il y a carrément, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'histoire d'amour, il n'y a plus rien. C'est encore pire. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a certains passages sur les femmes qui sont assez virulents. Pour illustrer un peu ce que je dis, j'ai pris quand même un extrait d'un de ses livres qui va, je pense, résumer son sens du détail, qui lui sert beaucoup pour ses études sociologiques. Ce qu'il pense des femmes, une certaine irrévérence, et puis ouais, un sens du rythme qui est quand même assez sympa dans ces livres. Alors, l'extrait que j'ai pris, il vient pas du dernier bouquin, mais il vient de l'avant-dernier, de Soumission, donc le premier président musulman français, entre guillemets, et polytechnicien, dans le livre de Houellebecq. Et là, en fait, il va parler, puisque bon, le livre est assez intéressant, il expose un petit peu. Il expose je sais pas, les pays du Maghreb qui ont de l'argent, par exemple le Qatar, entre guillemets, qui viendraient investir de plus en plus dans la société française et racheter la Sorbonne, racheter l'université, racheter des choses, des magasins. Et donc là, il parle d'un rien de ce qui pourrait arriver dans les magasins de luxe. Alors le magasin, c'est Christoris, là je le conseille à l'extrait. Par contre, qui vendait de la lingerie de marque à des prix dégriffés, il n'avait aucun souci à se faire. Le succès des magasins analogues dans les galeries marchandes de Riyad et d'Abu Dhabi ne s'était jamais démenti. Alors, on passe à un autre extrait. Vêtu pendant la journée d'imperméable, burqa noir, les riches saoudiennes se transformaient le soir en oiseaux de paradis. Se paraient de guêpières, de soutiens-gorge ajourés, de strings ornés de dentelles multicolores et de pierreries. Exactement l'inverse occidental. Classe et sexy pendant la journée parce que leur statut social était en jeu. Et qui s'affaissait le soir en rentrant chez elle, abdiquant avec épuisement toute perspective de séduction, revêtant de tenues décontractées et informes. Donc voilà, il y a quand même un sens du détail, un sens voilà, du rythme, et puis il y a un petit peu d'irrévérence, où il y a ce parallèle entre la société occidentale, entre guillemets, et notre société, qui fantasme, hein, parce que je pense pas que sous les burqas, il y a des strings, etc. Mais bon, je sais pas trop. Mais voilà, c'est un mélange, en fait, d'analyse assez pointue, d'anticipation, d'irrévérence, et puis de style un peu corrosif, mais qui est assez sympathique. Donc voilà ce que j'avais prévu de dire sur lui. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous lisez vous-même des livres d'écrivains. On pourrait en parler beaucoup parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup à dire sur ces livres. Là, j'ai vraiment fait citer les principaux. Il fait un peu de poésie aussi. Il a une vie aussi lui-même assez chaotique, hein, où il a fait un petit peu d'hôpital psychiatrique. Mais voilà, je pense que ça peut donner envie aux gens déjà de le découvrir et de comprendre aussi pourquoi c'est un peu une rockstar aujourd'hui dans l'univers littérature, parce que lui, contrairement à d'autres, essaye quand même de travailler ses sujets et de pas fantasmer complètement une société, mais d'essayer de la comprendre et d'anticiper. Ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui où ça bouge assez vite. Voilà. Ben merci Greg. Je fais partie comme toi des personnes qui apprécient beaucoup Houellebecq. J'avais beaucoup apprécié la possibilité d'une île, moins la carte du territoire, honnêtement. Est-ce que tu. Du souvenir, j'en ai gardé un peu un manque d'espoir. T'as ce sentiment-là, toi? Ah ouais, c'est. Une Alors, désillusion, quoi. c'est. Alors, moi, ça va mieux maintenant avec l'âge, en relativisant, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que je lisais un Houellebecq, je prenais une petite claque, quoi. Et je mettais quelques jours après avoir fini le bouquin en disant, ouais, quand même, c'est assez noir, c'est effectivement, il n'y a pas beaucoup d'espoir. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, dans ces livres, hein, à la fin, bah, ça se termine pas très bien, en général. Et puis, ouais, c'est aussi un peu sa marque de fabrique. Je crois qu'il fait exprès aussi de terminer tous ses enjeux avant la fin des livres, pour qu'il n'y ait plus trop de questions, de mystères, etc. Donc, en général, les derniers passages sont assez, bon, on voit un type un peu en décrépitude, quoi. Donc, c'est pas. Mais ouais, au-delà de ça, c'est intéressant quand même de voir que, bon, même si c'est la perception à lui, il y a des choses, il y a quand même des choses positives dans ces livres. Ce qu'on ressent, du coup, c'est plutôt une vision pessimiste, non, plutôt de Ouais, la vie. c'est. Enfin, je sais pas, parce que justement, tu dis qu'il était enfin, dépressif, ou qu'il est peut-être. Et du coup, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il est plutôt, ouais, plutôt négatif sur le Ah monde oui, ça. actuel, la société actuelle. Alors ça, il est très négatif, mais depuis le début. Alors par contre, je sais pas si c'est un jeu ou pas aussi, puisque maintenant, bah tout va bien pour lui entre guillemets, hein, ça se passe bien, il est reconnu, il a pas de problème financier ou autre, et puis il arrive à travailler ses sujets comme il veut. Donc je pense qu'il y a aussi partie du jeu, hein, comme Bukowski, là, qui racontait partout qu'il était alcoolique, qui dépensait tout, etc. Puis quand on regarde sa vie, bon, il a quand même élevé ses enfants, puis il n'avait pas tant d'aides de jeu que ça, puis il n'était pas si alcoolique que ça. Donc il y a quand même un jeu un Ouais. peu d'écrivain maudit. Mais c'est vrai que ça, ouais, Écrivain c'est assez torturé. non. Enfin, Écrivain il torturé. a quand même un visage ravagé, quoi. Oui. Il a souffert d'un alcoolo, faut être honnête. Ouais, il y a des petits problèmes, ouais, sur. Je sais pas après si, parce qu'il a un peu la même tête depuis 20 ans aussi. Hein. Il fait vieux depuis qu'il a 30 ans, donc bon, il a pas, c'est pas un beau gosse, c'est sûr, mais je pense pas qu'il soit tant ravagé que ça. Après, parce qu'il a quand même une cadence, hein. Il sort ses bouquins tous les 2-3 ans. Je pense qu'il bosse pas mal, quoi. Plus il fait des poèmes, il fait un peu d'émissions. Bon. Moi, honnêtement, je pense qu'il joue un peu du truc, quoi, qu'il n'est pas complètement dans Bon, il a l'espace. l'air un peu marqué quand Oui, même. ok. Mais bon. Mais il n'est pas du tout nihiliste ou en fait, il écrit un peu quasiment toujours le même livre, mais à chaque fois c'est un thème différent. Mais c'est toujours quelqu'un qui sera face à une situation qu'il dépasse. Soit il s'adapte, soit c'est marche ou crève quelque part. Et ça peut être la technologie, ça peut être l'art contemporain, ça peut être voilà les relations humaines dans un monde un peu pourri, ça peut être la politique. Mais c'est en gros c'est ça, t'es confronté par rapport à des changements qui te dépassent complètement. T'es un petit peu un naïf gentil et tu t'en prends plein la gueule. En fait. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais le héros je le trouve assez naïf moi à chaque fois. Il tombe un peu dénu à chaque fois qu'il y a des trucs. Après bon c'est ça effectivement c'est le thème qui dépasse etc. Le problème c'est que bon, si c'est marche ou crève, c'est plutôt crève tout le temps avec lui. Hein. C'est ça un peu qui, je pense qu'on lui reproche sur le côté sexe, il est un peu sorti du truc avec sérotonine. Il n'y a pas beaucoup de scènes crues, machin. C'est même des fois bon, ça manque presque, on dirait. Mais bon, mais sur l'éternel loser, il est toujours sur ce truc-là. Et c'est vrai que ce serait intéressant de voir s'il pouvait écrire un bouquin avec quelqu'un qui réussit quoi, pour une fois, enfin, ou au moins qui sombre pas dans la folie. Ou alors que si c'est un, on va dire, une figure héroïque, que ce soit quelqu'un qui a toutes les armes à son côté, oui. Qui réussisse ou qui réussisse pas, mais que ce soit pas, parce que là, c'est par exemple surtout dans la carte et le territoire, c'était vraiment un petit peu le jeune puceau qui tombe amoureux d'un super modèle. J'allais dire. Dans la carte des territoires, il me semble qu'il a plutôt les cartes de son côté, hein, parce qu'il vient d'une famille riche, je crois, le héros. C'est quand même, c'est un des rares livres où le héros, il est pas trop mal loti, quoi, hein, parce qu'effectivement, il s'arrête là, il est plutôt du pognon. Je crois que ça marche, du coup, c'est de l'ordre d'art, pas exprès, donc c'est là où c'est un peu le moins pire. Bon, ça reste pas terrible, vrai, ça finit mal, quoi, mais bon. Ouais. D'accord. Bon. Alors, j'avais justement, moi, je m'étais mis. Alors, la question, Florian, mais qui va être plutôt ton thème maintenant, j'ai l'impression. C'est sur les femmes, parce que Houellebecq a un avis assez tranché. Alors, il dit pas que des conneries, hein, d'ailleurs, même si c'est un peu misogyne. Je le trouve assez mesuré dans le bon sens sur la relation de femmes. Et là, je pense qu'il aurait bien aimé. Regardez cette affaire Griveaux, peut-être qu'il va y faire un bouquin dessus, je ne sais pas. Mais moi, sur l'affaire Griveaux, c'est quand même. Moi, il y a une grande question que je me pose, et je l'ai posée d'ailleurs à Spike, hein, pour la petite info. Comment on a une jeune et jolie bourgeoise, entre guillemets, qui passe d'un élégant et puissant ministre à un altermondialiste balafré. Ça, c'est le truc qui. Voilà. Alors, justement, elle est jeune et jolie et elle est bourgeoise en fait. Si tu regardes, comment elle s'appelait c'est la femme de l'ancien président, la femme de Sarkozy. Comment ça s'appelait Carla Bruni. Carla Bruni, voilà. Carla Bruni, c'est quand même tapé tout Paris avec parfois le père et le fils. c'est des rockstars, des milliardaires, des voilà, donc t'as le cheptel en fait de tous les winners de toutes les catégories différentes. Et elle s'est tapée en fait, voilà, tous les winners de ce que, voilà, donc vraiment une espèce de tableau de chasse qu'elle a eu dans les années 80-90. Et parce qu'elle était jeune, très grande famille bourgeoise italienne, donc vraiment friquée, très jolie, et donc nos limites en fait. Donc elle pouvait faire un peu ce qu'elle voulait. C'est un schéma qui se reproduit régulièrement, quoi. La jeune femme qui, entre 18 et 25 ans, qui fait un peu du grand n'importe quoi quand elle étudie avant de. Elle a 29 là, quand même. C'est un peu. Ouais, mais justement, la bourgeoisie, plus t'es riche, plus tu peux repousser, en fait. Elle a pas besoin de travailler. Non, elle a pas besoin de travailler. Voilà. Donc, en gros, voilà. Les bourgeois se marient un peu plus tard, d'ailleurs, que les femmes, on veut dire classe moyenne ou populaire, souvent. Ouais. Et parce qu'elles ont pas besoin financièrement en fait, ou de, tu vois, elles sont en sécurité en fait. Et donc il y a pas la question de l'emploi ou pas vraiment, ou alors ce sera, je sais pas, trouvera vite fait un poste de, enfin tu vois un truc un peu flan dans le ministère, un truc comme ça. voilà, plein de diplômes, je suis quand même avocate et tout, donc je pense que ça Ah va. ben voilà, donc en plus, voilà. Donc gros capital social. Donc en fait, elle peut faire un peu ce qu'elle veut, et du coup, elle le fait. Les retombées, finalement, il n'y en aura pas beaucoup. Ah, alors, vas-y, continue, parce que... Enfin, il n'y en aurait pas eu beaucoup Ouais. si son mec n'était pas un taré russe qui Oui. s'est quand même cloué le scrotum sur Ouais, ça la place va. Rouge à Moscou en 2013, qui Ouais. s'est coupé le lobe de l'oreille en direct à la télé. Il avait grimpé, je pense, le Ah toit ouais, de... je savais pas Je ça. sais plus si c'était le centre culturel serbe à Moscou, un truc comme ça. Il s'est cousu les lèvres en 2012, il me semble. Ouais, Enfin bref, ouais. c'est quand même un... Il a dormi dans des Ouais, barbelés aussi. il y a eu ça aussi. Ouais, Ah vache. il était... Voilà. Donc le Mais mec, bon. c'est quand même... Voilà, à la base, voilà, je sais pas si tu as envie de boire un verre avec lui, en fait. Mais Quelque part, oui, mais quelque part, non. Voilà. une question quand même sur lui aussi, parce que ce type-là, comment il a pu avoir l'asile politique aussi rapidement? Parce que c'est vrai que ça commence à remonter, mais je crois que normalement, c'est donc ça, là, je crois qu'il n'y a même pas 6 mois, c'était réglé, quoi. Ça, c'est simple en fait, c'est du ping-pong, on va dire, c'est des petites guéguerres de, comment on appelle ça, de propagande en fait. En gros, il a malencontreusement mis le feu à la porte du KGB à Moscou en 2016, 2015. Ouais. Bon, là pour le coup, il a eu un vrai procès et ensuite, il a, lui et des connaissances, lui aurait frappé l'ex d'une de leurs camarades, enfin un truc comme ça. Chose qui ironie, enfin, il dit qu'il n'a pas du tout, il n'a pas jamais été violent. Et il s'est enfui de Russie lors d'un, il y a eu une remise en liberté provisoire. Il s'est enfui, il est parti en France, il a eu l'asile politique. Je pense que c'était pour histoire de dire, voilà, comme c'est quelqu'un qui avait soutenu les, comment ça s'appelle, les gonzesses, le groupe de punk Ah là. oui, les Pussy Pussycat, machin truc, Riot. Ouais, Pussy Riot, là. celles qui montent leur sein, là. Ouais, Pussy Riot. Il avait soutenu. Non, ça c'est encore ça c'est les femmes. Ouais, les Pussy Riot, c'était à poil aussi quelquefois, mais ouais. Donc Ouais, comme il avait pas soutenu grave. les Pussy Riot, c'était quelque part aussi, il y avait un certain gage un peu, on va dire politique. Hein. Lui, il s'est Ouais. dit apolitique, mais je pense qu'il est plutôt dans une mouvance un peu intermondialiste, internationaliste. Je sais pas. C'est un peu. Ouais, un peu alter. Ouais, tu peux le mettre à toutes les sauces en fait. De l'altermondialisme, ça passera partout. Donc c'est une récup un peu facile. Bon, maintenant qui s'avère être en fait un peu foireuse aussi, parce que le mec il est déterminé à faire chier son monde, et Ah il fait avec brio, je trouve, ouais. Ouais, il est un fort. troll de catégorie, mais alors poids lourd, c'est vraiment énorme. Voilà. Et pour le coup, bah oui, Mais c'est quand voilà. même incroyable, enfin je sais pas, enfin, il doit avoir un charisme de fou, alors je sais pas ce qu'ils ont mis des rouilles, parce que pour quand même séduire, alors je sais même pas comment ils sont, ouais, je crois qu'elle était, elle voulait le rencontrer parce qu'il a fait des actions effectivement un peu extrêmes. Par rapport à une bourgeoise qui aime l'art, qui est dans le côté un peu intellectuel et qui aime l'aventure, qui est déjà à la base un peu peut-être blasée des hommes, si tu veux, on va dire, le cadre sup de boîte de pub, ça l'intéresse Ah pas. bah là, elle est ministre même, donc c'était pas mal quand même. Voilà. Donc finalement, le bad boy artiste, et pour le coup vraiment bad boy qui fait un peu peur, c'est peut-être plus attirant pour elle. Tout simplement, hein. À 29 ans, c'est... Enfin moi, je suis d'accord avec toi, mais l'âge quand même, même si tu sais plus... Ouais, ok, bourgeoise, machin... Mais 29 ans quand même, t'es plus si jeune, quoi. T'es plus... Ok, Mais bon... elle a pas cette limite par rapport à ce qu'on peut appeler le dévoiement ou, effectivement, normalement, vers 25 ans, c'est bon, t'arrêtes, t'as tes Ouais, conneries. voilà, t'es... 27 ans, normalement, c'est plus ou moins, voilà. 32 ans, c'est fini, clair, quoi. Voilà, basta. Et effectivement, donc elle serait à un âge où normalement elle devrait se calmer un peu, alors que là on a l'impression qu'elle met le feu aux poudres. Là, Effectivement. oui, c'est vrai. Il Ouais. n'y a pas de retombée, mais je pense qu'il va y en avoir pas mal, hein, parce qu'elle s'attaque pas à n'importe qui, et... Mais elle va avoir rien du tout. Je sais Elle pas, va quand même. avoir rien du tout. Elle va s'en sortir. Elle va retomber sur ses pattes. Et puis voilà. Après, elle va avoir un acteur, je sais pas moi. T'es Ou sûr qu'elle va. Alors, moi, je sais pas, mais de l'extérieur, je pense qu'il va quand même avoir des sanctions. Alors, après, que. Ouais, elle va peut-être un peu persona non grata. Alors peut-être qu'effectivement, à gauche ou à l'extrême gauche, elle aura une nouvelle popularité, parce que je crois qu'il est repris par les Gilets jaunes, là, puis autre. Sérieux? Ah ouais, y a un mec du Gilet jaune qui a dit qu'il aimait bien son action, quoi. Ah ouais, il a toutes les sauces, lui. Hein, puis je crois que c'est réciproque, il avait dit aussi qu'il aimait bien les Gilets jaunes. Bon. J'aurais pas Ouais. cru, parce que je le voyais clairement, enfin, je le voyais vraiment en outil politique, moi. C'est pas, je voyais même pas d'art dans ce qu'il fait, hein, donc, Ouais, je sais, enfin, je sais pas trop. C'est qu'il est assez bizarre quand même. Et il est en plus défendu par le. Enfin, pas défendu, mais conseillé aussi par un avocat un peu space, là, Juan Blanco. Alors lui, c'est pareil, je sais pas dans quel truc il est, mais. En fait, dans tout ce qui est tout Macron et tous les satellites autour de lui, en fait, il y a plein de. J'ai l'impression que c'est rempli de comme ça de CV bizarres en fait de gens. Tu sais pas, merde. En fait, qu'est-ce qu'ils font là? D'où ils viennent? C'est pas du tout Elena Centrale, Elena, et puis ensuite nanana, puis 20 ans au PS pour Ouais, ensuite devenir député. non, c'est vrai que c'est une nouvelle. Ouais. Enfin, Ils qu'on ont des vendait comme chemins truc tellement bien. différents. On disait qu'on ouvrait un peu la société justement pour pas que ce soit des politiques trop. Ouais, mais ils restent quand même tous bien dans la. Ouais, vu ce qui se passe, Pour oui, c'est Guilbault, je ça. suis pas sûr, mais pour Branco, c'est bourgeoisie parisienne. Hein. Oui. Mais Le même là, de la et Seine, je crois. Griveaux, c'est pareil. Hein. Griveaux, il est aussi il est bourgeois, puis je crois qu'il venait d'un gros poste de 4 sup. Il a Voilà, Guilbault qui, avant lui, quoi. en fait, dans les particules élémentaires, ce serait le 4 sup à réussite à BMW, tu vois. Ouais, c'est un peu J'étais ça. directeur de la com chez Unibail, donc c'est des centres commerciaux. Mais c'est un mec, normalement, qui a aucune. Enfin, il est terne. Normalement, c'est un personnage terne. Ouais, je Voilà. suis d'accord, il devrait être une personnalité secondaire, entre guillemets, de la vie Et politique. puis, pour faire dans le politiquement correct, il s'est quand même fait pincer en se branlant sur un, enfin, devant sa webcam, quoi. C'est le niveau zéro du. Alors moi j'ai quand même je défends un peu quand même parce que alors d'une part elle avait mis un timer sur ses messages de 30 secondes ou une minute, c'est comme ça, manque de bol, elle a enregistré avant que le message soit détruit. Et d'autre part je sais pas ah, enfin non, il est pas si vieux, mais bon, il a 45 pourra peut-être plus même, peut-être je pense que c'est des gens qui ont pas qui se méfient pas trop encore des réseaux sociaux, des nouvelles technologies. Peut-être qu'un plus jeune n'aurait pas eu ça, mais je pense que tu vois, si on avait une génération de politiques plus âgée là, ben, les DSK et compagnie aujourd'hui, quoi, ce serait la fête du slip, Non quoi, mais hein, attends, sortir les photos, ce t'imagines la serait webcam de ah, DSK, en tout cas, ben, ça c'est devrait même être autre chose. plus, ouais, il devait avoir plus, C'est pas le ça même suffisait film. pas Hein. une branlette. Hein. Non, c'est pas le même film. Mais ouais, et donc en fait, ouais, pour moi, c'était plutôt quelqu'un à qui on a filé le Piotr Pawlenski, hein, Ouais. la politique, en se disant, tu prends un gage comme ça, t'es cool parce que c'est on va dire, le dissident artiste le plus célèbre de Russie, donc tu le fais venir après les poussières à Riot, donc tu le fais venir et puis voilà, tu t'as un petit gage, t'es un mec cool, tu peux briller aux soirées, je sais pas, quand on te file la Légion d'honneur, un truc comme ça, mais en fait, c'est un vrai troll, et vraiment, pur Ah et oui. dur, il continue son trollage, et j'ai l'impression, genre, je sais pas s'il a été utilisé ou pas, enfin, je sais pas comment ça s'est passé, en fait, cette histoire, mais Moi, c'était ma question quand même. C'était à un moment, je me suis dit, c'est tellement gros. Et tout. Puis moi, c'est toujours l'âge. Alors bon, ça peut se discuter parce que tu me dis, ouais, peut-être que quand même, elle n'a pas fini son cheminement et tout. Mais je me suis dit, à un moment, c'est une machination, quoi. C'est un truc, c'est un complot. Ils sont pilotés par d'autres mecs, des Russes ou je sais pas, des partis un peu bizarres. Non, non, les Russes, c'est trop, ils s'en foutent, les Russes. Le maire de Paris, ils s'en foutent. C'est pas. Ouais, je me disais aussi, pourquoi Griveaux qui, bon. Fou quoi. En plus, il avait aucune. Enfin, il devait pas être élu, quoi, normalement, donc bon. Ouais, non mais. Et à la limite, ce serait même pas la façon de le. Je pense que je pense que ce qui les intéresserait comme pays étrangers, comme par exemple quand les États-Unis. Contrôle des politiciens en France, et via souvent les études qu'ils ont fait aux États-Unis, ils ont des dettes d'argent, des trucs comme ça. Par exemple, c'est très souvent, enfin, c'est très, un truc vachement prestigieux quand tu as étudié à Sciences Po, par exemple, c'est d'aller faire ta deuxième année de master à Columbia. Ouais. Et c'est typiquement, c'est un peu pour l'élite, on va dire, future élite politique de Sciences Po. Et ils passent tous par Columbia University. Et j'en connais en fait des Russes qui ont fait ça aussi. Dont un mec qui a étudié avec Saakachvili à l'époque, le président géorgien, et qui Ouais. m'expliquait que c'est juste un truc, c'est donc ils ont été sponsorisés par Soros en gros dans les années 90 pour aller étudier à Columbia. Et il m'a expliqué, voilà, c'est juste un truc de connexion politique. Bon, t'étudies beaucoup, parce que c'est une vraie université, c'est un vrai master, et c'est pas... Oui, non, mais tu rencontres des sénateurs américains, le maire de la ville, enfin New York, des mecs parfois un peu de la CIA ou d'autres autres services, et tu repars de ça, t'as un carnet d'adresses politique conséquent aux États-Unis en fait. Et t'as 28 ans et tu commences ta vie d'homme d'affaires, de journaliste ou d'activiste politique dans un pays. En fait. Alors, donc, c'est ça, ouais. Alors je rebondis rapidement parce que alors c'est pas exactement ça qu'elle a fait. Elle, je crois que elle a fait un Sciences Po, mais je crois Provence machin, mais elle a fait Oxford. Donc elle était quand même sur une voie où pareil, je me demande si elle est pas avocate et tout. Où, en gros, elle avait déjà le réseau, les clés, etc. Il y avait pas de problème. Je vois pas pourquoi elle voudrait se mettre un peu dans la lumière ou. Tu me diras peut-être qu'elle a pas choisi non plus, hein, que c'est vrai, qu'il a pris ses trucs en cachette. Bon. Mais elle a un profil d'aventurière, en fait. C'est vraiment mais c'est vrai que c'est bizarre. Hein. D'un côté, le parcours scolaire, on va dire, universitaire, ouais. Ultra top. Hein, voilà. Ouais, il est brillante, machin. Bon, y a pas de... Et de l'autre côté, voilà, alors, elle aligne les amants de différents. Et, ouais. Et encore une fois, tu vois, si c'était passé qu'elle avait 22 ans, 20, 21 ans, même, elle est même 25, j'aurais dit ouais, ok et tout. Mais là, putain, t'arrives à la trentaine quand même. Ouais, c'est... mais elle est, si vraiment elle est dans une optique de dévoiement, et qu'elle a finalement beaucoup moins de limites que la plupart des. Ça fait une belle crise d'adolescence quand même. c'est pas une crise d'adolescence, c'est devenu, je pense, la recherche de l'aventure en fait. C'est une aventure. Ah ouais. Putain. Ah ouais. Peut-être qu'elle veut faire chier, hein, je sais pas, je suis pas trop dans le délire psychologisant, mais oui, peut-être qu'elle veut faire chier son papa, mais je pense pas, parce que là, quand même, ça tient. Là, c'est normal. Il est verni. Comme lui, les services secrets et tout qui doivent bosser, là, en ce moment, ça doit être. Ouais. Donc, et après, effectivement, comme couple, oui, c'est étrange entre l'artiste. Politique qui se cloue le scrotum en place publique. Il ressemble à rien, enfin t'as vu. Ok, Houellebecq il ressemble à rien, mais alors putain, lui il ressemble à rien, il a 30 ans quoi. Hein. Il est déjà marqué, le visage machin, enfin. C'est vrai qu'il a 50 ans quoi, le mec. Je pense qu'il a pas pris que du jus d'orange, hein, donc. Mais. Non, ça c'est clair qu'il a, il a une gueule, ça c'est. C'est clair. Ouais. Non, il a la tronche, le mec, en fait, qui sortirait du goulag. Tu sais, dans les photos des années 50. Ouais. Le mec qui casse qui construisent les routes en Sibérie, à la pelle et au pieu. C'est un peu ça, en fait. Il y a aussi la tronche de mec qui boit un peu trop, qui se drogue un peu trop, hein. Quand tu vois. Ouais. Il marque comme ça. Ouais. Ouais, il fait bien junkie, ouais. Ouais, non, pour moi, ça reste effectivement, il y a un gros mystère sur les deux personnages totalement différents. Ils n'ont rien à voir, hein. Ouais. Non, culturellement, enfin, effectivement, c'est une drôle de soupe, en fait, de voir ces deux-là. Je ne suis pas le seul à poser. Mais finalement, c'est peut-être de la part de, je ne sais plus comment il s'appelle, la petite, là. Alexandra. Ouais. De Tadeo. Ouais, de sa part à elle, c'est peut-être juste vraiment l'aventure, la recherche de faire que... Parce que socialement, les conséquences pour elle, elles sont pas très grandes, enfin, plus très grandes. Ouais, je pense qu'elle va se sortir. Ouais. Économiquement, ça devrait aller aussi. Quoi. Ouais, après, ouais. Peut-être qu'elle est un peu conne et qu'elle a pris des risques, qu'elle a pas vraiment jugé ou pu jauger correctement les risques qu'elle prenait. C'est possible aussi, mais je pense pas qu'elle soit conne. Voilà. Enfin, vu son parcours, ça m'étonnerait. Mais je la vois pas utilisée, si tu veux, comme une espionne ou comme un agent. Ça me paraît trop grossier aussi, en fait. Ouais. Sachant qu'ils sont quand même, il faut le rajouter, ils sont conseillés par l'autre, Branco, qui est un peu fou, mais qui les a conseillés quand même en tant qu'avocat. Donc, ils ont dû savoir ce qu'ils devaient dire, etc., quand il y avait la garde à vue, quoi. Donc, c'est pas non plus complètement freestyle, même si... Bon, c'est intéressant, franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'il va... Et Branco lui-même, c'est un personnage bizarre aussi. Hein. Ah, ouais, c'est, ouais, pareil, c'est un de ces gars qui est apparu comme ça il y a 6 mois, 1 an. Il était copain avec Descoings, donc l'ancien proviseur là de Sciences Po, ouais. Et il avait prononcé son nom de funèbre. En fait, il y avait des rumeurs qui disaient que oui, il était très très proche de Descoings, donc je sais pas proche à quel point. Mais que l'autre, voilà, il croyait en lui, etc., et qu'il voulait absolument la lumière, quoi. Donc il y a des trucs qui sont sortis sur lui, il a essayé de... donc il a prononcé l'éloge de l'un des coins, il a bossé avec Philippe Etty, je sais pas quoi, pour essayer aussi d'être dans la lumière, il a essayé de défendre un des terroristes du Bataclan aussi, pour prendre de la lumière, enfin, le mec est assez bizarre, quoi. Il réécrit sa bio de Wikipédia régulièrement, pour enjoliver le truc, quand même. Donc ouais, il y a quand même une belle brochette, là, les trois, ils ont l'air assez gratinés, quand même. Ouais, c'est des personnages, en fait. Je pense que c'est... Ils sortent clairement tous les trois du lot des affaires typiques. Et même Griveaux, à la base, en fait, qui est un peu plus terne par rapport à ces trois-là, c'est pas du tout le... Normalement, t'as une affaire, c'est quoi? T'as le maire de Marseille avec des vieux mafieux. Enfin, normalement, c'est des... Comment dire? Des profils tout à fait classiques, en fait. Ouais. À Marseille, c'est pas assez compliqué aussi, hein, mais il y a des histoires sur le maire de Marseille, ouais. Obscur de la force, là, avec les jeunes garçons et tout. Bon, pas garçons, jeunes adultes, hommes. Ouais. Bref, dire. Mais bon, normalement, tu sais à quoi t'attendre un peu, quoi. Et là, en fait, c'est vraiment très... c'est cocasse. Donc, bon, si... moi, je regarde ça de loin. J'habite en France, donc je regarde ça un peu de loin et ça me fait un peu rigoler. Moi aussi, ouais. Mais je trouve ça intéressant, quand même, parce que... Enfin, ça compte assez exposé. C'est les trois qui sont assez barrés, les retombées, ce qui peut se faire. Il y a quand même une limite qui est franchie, hein, surtout en France, parce qu'on n'a jamais vu ça, hein, des vidéos sextapes comme ça, sur Twitter, machin. Pareil, enfin, moi, je l'ai anecdote, je vais un peu sur Twitter en ce moment. Et en fait, je sais pas quoi, je vois une affaire Griveaux, machin, je clique sur le truc. En deux clics, je suis sur la vidéo de Kékette, là, je me dis, c'est que ce bordel et tout. Et en fait, c'est. Je me dis, mais tout le monde a dû avoir ça, quoi. Mais j'en parlais avec mes collègues et tout. Tout le monde a eu ça, machin. Ça se propage à une vitesse incroyable, quoi. Ouais. Ce qui m'intéresserait le plus, c'est il y a trois ambitions différentes, en fait. Je sais, comme Branco, Piotr, machin, et Pavelski, et la jeune. J'ai oublié à chaque fois son nom. Alexandra, voilà. Mais c'est vraiment trois ambitions différentes, mais c'est trois ambitieux qui finalement se retrouvent dans la même. Ouais, je sais pas. Alors voilà, franchement, j'en ai aucune idée si c'est un truc politique organisé ou pas. Je pense que pour se trouver de l'argent, il doit quand même. Piotr, là, il doit quand même. Il doit toucher une gamelle quelque part. Ouais. On parle pas, mais c'était à l'hôtel et tout. Qui paye l'hôtel, voilà. Dans le 16e, machin, combien de temps ça fait un an qu'ils sont à l'hôtel ou je sais pas quoi. Enfin, c'est. Voilà, donc il y a clairement des rentrées d'argent, et à partir de là, en général, voilà, tu suis l'argent, tu vois qui est le commanditaire souvent. En fait. Ouais. Voilà. Bon, bah, merci, hein, c'est un peu plus clair comme ça. Parce que surtout que je me suis dit, ouais, si, un truc russe et tout, il doit avoir sa petite idée. Mais non, c'est juste qu'ils sont. Bah, ça va être une affaire compliquée quand même. Si c'était un russe, je verrais un des anciens oligarques qui s'est fait tâche. Mais pas les premières gardes, vraiment les derniers, genre Deripaska et tout ça. C'est en termes de ce qu'ils appellent technologie politique, c'est un peu les plus créatifs. Mais t'écartes pas le truc complètement alors. Je vois pas du tout en quoi ça les intéresserait de. Ouais. Pour toi, c'est vraiment la thèse principale, c'est vraiment le petit bourgeois. Ouais, c'est quelqu'un dans Paris, il vole l'emmerde. Voilà. Moi, j'ai pensé aussi à la. La rébellion, enfin, tu vois, une histoire d'amour qui se finit mal et tout, le revenge porn, comme ils avaient dit au début. Je dis peut-être qu'elle a été blessée par Griveaux, etc. Mais bon, c'est quand même. Ça a quand même loin, hein, pour. Je vois. Ouais, puis ce serait bizarre aussi de mettre son nouvel amant dans le coup. Ouais, ça aussi. Ouais, après, on sait pas, les gens sont bizarres, mais parfois. Ouais. Mais ça fait un peu dégoûtant, hein, comme. Ouais. Bref, une jolie affaire à suivre. Une jolie affaire à suivre. Exactement. Bon, bah écoute, c'est plutôt bien pour un freestyle, je pense. Qui veut. Il y a des questions peut-être à Florian ou. Non, moi j'ai pas de questions à me proposer. Je peux vous proposer après mon sujet là si vous voulez. Ouais. Ben sauf si d'autres ont des questions à Florian, hein, allez-y. Non, vas-y. Allez. Écoutez, je voulais vous faire part d'un article que j'ai lu dans Sport et Vie, donc, qui est un magazine auquel je suis abonné, donc, qui est des records qui plafonnent. Ça traite du fait que les records sportifs, records mondiaux et de manière générale les performances sportives, ont été analysés par l'Institut, donc c'est IMRES, c'est l'Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie du Sport. Et ils ont analysé les performances de 10 meilleures performances performeurs de l'année dans 150 disciplines. Alors, dans des disciplines, comme on pourrait dire, le mesurable, c'est-à-dire la natation, le saut à la hauteur, le saut à la perche, et pas le judo, par exemple. Et donc la tendance forte qui se dégage, c'est sur l'ensemble du XXe siècle, une courbe asymptotique qui va en stagnant dans à peu près deux tiers des disciplines, et voire en régressant dans un certain nombre de disciplines. Donc, pour ma part, en tout cas, c'était assez contre-intuitif. J'avais lu il y a longtemps de ça des théories sur le potentiel, c'est par exemple le record du monde maximum qui pourrait être atteint. Alors, pour la petite histoire, ça avait été calculé il y a quelques années de ça, et par une université aux Pays-Bas. Donc, le potentiel physiologique humain sur le 100 mètres, ça serait 9 secondes 36. Bon, pour situer, le record actuel, c'est 9 secondes 58. Ces études-là, bon, ça reste hypothétique, mais la réalité, en tout cas, il y a une stagnation, voire une régression. Donc, ça se voit à travers le nombre de records mondiaux qui sont battus, en essayant aussi de ne pas forcément se focaliser sur des hyper-performeurs comme Usain Bolt ou Renaud Lavillenie pour la perche, mais plutôt en regardant que typiquement, si on regarde la perche, pendant que, en fait, il y a 25 ans de ça, il y avait plus de performeurs qui étaient proches de Sergei Bubka que ce qu'aujourd'hui les performeurs le sont de Lavillenie, enfin de son record. Voilà. Après, donc, dans tout ça, donc, ça pose tout un tas de questions. Notamment, alors oui, enfin, on parle du saut à la perche, donc même chose au saut en hauteur. Donc, saut en hauteur, il y a eu une époque de. Non, c'est l'histoire du saut en hauteur intéressant parce que, en plus, ça s'est couplé avec une progression technique avec le saut en Fosbury. Alors, pour info, le saut en Fosbury, étonnamment, n'a pas spécialement marqué une rupture dans l'accroissement des performances du saut en hauteur. C'est assez étonnant, mais ça a été le cas. Et par contre, à la rupture, c'est en 1993 avec Sotomayor qui passe 2m45. Bon, mais depuis, bon, Sotomayor qui a été hors norme à l'époque, mais de manière générale, en fait, le saut en hauteur a tendance à régresser et on est bien loin d'un nouveau record du monde à ce jour. Alors, pour parler de la perche, donc on parle de ces records. Alors, il y a eu des phases de records. Il y a eu des phases de records sur différents leviers, des faux records parce qu'en fait, comme l'amélioration d'appareils de mesure, par exemple, ça a été le cas sur un certain nombre de disciplines en natation ou dans certaines mesures de distance. Donc là, en fait, c'est des fausses progressions pour mesurer mieux. En analogie avec le saut à la perche, où en fait les disciplines sont au centimètre, on pourrait avoir une mesure de la performance plus fine, mais ça serait au final tromper l'installation d'ensemble. Et donc à ce jour, on l'observe dans deux tiers des disciplines qui ont été mesurées environ. Donc les disciplines, notamment les disciplines féminines, sur lesquelles il y a un historique, pour différentes raisons, sociales, avec le rôle de la femme, le nombre de femmes sportives professionnelles et tout un tas d'autres critères, qui ont encore tendance à progresser. D'autres disciplines sur lesquelles y a encore des choses, par exemple l'ultra-fond, l'ultra-endurance, qui n'existe depuis pas très longtemps, donc pareil, il y a encore des progrès, même si on arrive près de la stagnation. Et puis aussi, il y a des phases où il y a des profils physiques et physiologiques qui sont sélectionnés, sur lesquels il y a des découvertes. Alors, l'article cite le cas de la course de fond. Dans les années 70, c'était beaucoup des athlètes scandinaves élancé qui dominait, puis après c'est les athlètes qu'on connaît bien, les Kenyans notamment, qui se sont imposés. Alors, pour information, l'article cite, je ne savais pas, que les caractéristiques favorables des Kenyans sur ces disciplines de fond C'est une surface cutanée relative plus importante, facilitant la dissipation de la chaleur interne produite par les muscles. Voilà. Et donc aujourd'hui, 96% des 100 meilleurs mondiaux sont éthiopiens ou kenyans. Donc là, c'est une sélection physiologique. Et donc voilà, donc on a cité le saut en hauteur. Alors après, ce qui est amusant à constater par rapport au record de la Villénie, c'est qu'en l'occurrence la Villénie est loin d'être le meilleur athlète en termes de génome et en termes, genre c'est pas comme Usain Bolt qui présente toutes les caractéristiques possibles et sans dopage jusqu'à preuve du contraire. La Villénie, on est loin de ça, hein. C'est quand même pas le monstre physique que peut être d'autres, mais par contre c'est un très grand technicien. Donc en gros, l'article suggère qu'il y a des marges de manœuvre et qu'il y a une possibilité de se tromper. Mais tout le principe est de se dire que foncièrement, on arrive un peu à la limite. Et alors, il y a quelque chose d'amusant. C'est qu'il semblerait que ce soit quelque chose qui est constaté aussi dans le monde animal. Alors, dans le monde animal, il y a chez les chevaux, notamment, qui sont des courses chronométrées depuis la fin du 19e siècle, y a une stagnation depuis 30 ans. Ça fait à peine 30 ans, mais ça fait 30 ans que les chevaux stagnent. Même chose chez les courses de lévriers, qui stagnent dans les performances stagnent depuis quelques décennies. Et en gros, toutes les autres espèces animales qui ont été mesurées, actuellement, stagnent. Voilà. Et stagnent, voire régressent, un certain nombre de choses, quoi. Voilà. Alors, si on regarde l'histoire du XXe siècle, au niveau de l'humanité, forcément, ça a été marqué par des révolutions, la révolution industrielle, par l'évolution de la manière de consommer, par les guerres aussi. Donc, forcément, les records ont suivi ces phases-là. Dans les phases, donc, il y a eu, pour information, bien entendu, il y a eu des phases régions records dans les années 20, bon, et dans les années 50-60. C'est pas des grandes surprises. Après, il y a eu des phases de record avec l'Europe de l'Est, avec la Russie, avec le dopage de Mach, en particulier chez les femmes. Donc là, il y a des records totalement surréalistes qui seront a priori impossibles à aller chercher. En tout cas, il y a personne qui s'en rapproche depuis bien, bien longtemps. Et là, il semblerait que ça reste comme ça pour longtemps, quoi. Après, donc voilà, ce que l'IMRES, en gros, leur discours aussi, c'est de dire, de toute manière, il y a des records, bien entendu, on ne les atteindra jamais. Alors, ils citaient l'exemple d'un saut à 3 mètres de haut, saut en hauteur à 3 mètres de haut, en disant, de toute manière, on ne pourra jamais le faire, parce que même si musculairement on progresse, etc., le col du fémur ne sera jamais capable d'encaisser une telle force. Du coup, on peut se dire oui, mais bon, peut-être qu'on continue à grandir et peut-être qu'on deviendra plus fort, etc. Parce que globalement, quand on regarde le rugby notamment, enfin, je pense que ça fait partie. Moi, l'exemple que quand j'ai lu l'article, je me suis dit oui, bon, les rugbymen, ils ont pris, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais ils ont dû prendre 20 kilos, je pense, en 10 ans, comme ça, c'est surréaliste, quoi. Ben, en fait, non. Il y a eu dans le basket, en très peu de temps, ils ont pris 4 cm, en très rapidement, dans les années 80-90. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont allés chercher des athlètes dans des tribus africaines, dans lesquelles on a atteint 98. Et au final, en fait, à l'échelle macro, hein, sur l'ensemble des sports, sur 30 ans, ben non, il n'y a pas vraiment de réel accroissement physique des sportifs. Voilà. Et du coup, ils extrapolent un petit peu par rapport à la stagnation globale. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais les performances de la population, et notamment des adolescents et des jeunes adultes, sont 30% en dessous des performances des générations précédentes. Voilà, en deux générations, pardon. Les adolescents ont perdu 30% de leur capacité d'endurance en deux générations. Bon, c'est un petit peu moche. Voilà. Et après, voilà. Et donc après, la question à se poser, c'est oui, mais quid de l'intérêt du sport là-dessus ? Alors, moi, je trouve que la réponse là-dessus est biaisée, parce qu'ils disent, mais non, il y a encore tout un tas de sports sur lesquels, de toute manière, la notion de performance pure est accessoire. Ils citent un sport qui paraît être mesurable, qui est l'aviron, En fait, ça l'est pas parce que ça dépend tellement des conditions climatologiques, etc., que une course, c'est comme, on va dire, une course de chevaux. Ce qui compte, c'est qui est devant, et c'est pas tellement qui est la performance en soi. Où il parle du foot, du volley, du rugby, tout un tas de choses qui, de toute manière, pour lesquelles la performance est relative. Voilà, moi je trouve là-dessus qu'il botte en touche parce que, oui, concrètement, de ce que j'ai lu un peu ailleurs, il y a une vraie problématique d'intérêt envers les JO et envers des disciplines comme ça, parce que ce qui est sympa, faut pas se mentir, on voit ces trucs-là pour espérer voir un record. Enfin, c'est quand même une sacrée émotion. Je crois que j'étais devant la télé quand j'ai vu Usain Bolt. Bon, mais le record, le saut en hauteur, plus personne n'a envie de le regarder, on sait qu'il va rien se passer, quoi. Donc, oui, ça pose une question. Le sujet est vaste et c'est un sujet à tiroir, hein, bien entendu. Après, il y a des choses amusantes de ce que j'ai pu voir par rapport notamment, donc j'ai cité l'aviron. Il y a donc la modélisation par rapport à la stagnation des performances et à la stagnation des records. Il y a aussi la recherche, la modélisation de recherche de performances et de techniques améliorées. Et c'est assez amusant de voir comme certaines techniques sont contre-intuitives. Alors, je ne sais pas si Fosbury, ça aurait pu être modélisé, mais en aviron, en fait, on a l'habitude de voir les rameurs être synchronisés, ce qui, en fait, d'un point de vue modélisation, n'est pas du tout le plus performant, parce que ça crée des coupures dans l'écoulement laminaire de l'eau, hein, sur la coque du bateau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, le modèle performant, le performance, serait un modèle désynchronisé des rameurs. Et ils ont mis en place des moteurs. Des robots rameurs, etc., pour essayer ça en bassin, et en fait ça marche moins bien. Donc c'est assez amusant de se percevoir aussi qu'il y a des choses, non, on sait pas tout modéliser, quoi. Voilà, voilà, j'ai essayé de faire bref, je reste. Non, Qu'en mais... pensez-vous? Quelles sont vos questions? Qu'est-ce que vous en avez? Ouais, j'en ai quelques-unes. Alors, déjà, je trouve le sujet vachement intéressant parce que il n'y a pas longtemps, je crois que c'était un des youtubeurs sciences que j'aime bien, là, David Loop, je crois, parce qu'il fait science étonnante, qui avait dit qu'effectivement, le record de la Vilénie, alors il est tombé il n'y a pas longtemps, mais que c'était très compliqué d'aller faire tomber parce que d'après les modélisations, on se rapprochait du record théorique. Alors après, comme tu le dis, bon, les modélisations, c'est pas forcément la réalité. Puis, bon, ça dépend comment on mesure. Et puis, il y a un deuxième point, alors qui est un peu en filigrane dans ce que tu dis, mais qui est évidemment le dopage. Oui. Moi, j'ai, bon, effectivement, les records tombent. Pour voir un petit peu l'évolution du rugby, les rugbyman, ils prennent 20 kilos de plus de muscles. Enfin, ils sont plus musclés, etc. Bon, malheureusement, je suis pas sûr que tout soit très propre. Il y avait une photo qui a fait polémique. Je crois que c'est les vainqueurs, l'Afrique du Sud là, où les types posaient torse nu et t'avais l'impression d'avoir 15 bodybuilders devant toi, quoi. Ouais, surtout des mecs de 120 kilos, quoi. Les gars de 120 Ouais. kilos, c'est Ultra improbable. ultra sec. Et en plus, le Ouais. type t'explique, on a un régime particulier, on a fait ça en 2 mois, quoi. En 2 mois, 3 mois, ils arrivent à faire des corps comme ça, mais c'est impossible, quoi. Donc bon. C'est un peu un secret de Polichinelle, malheureusement, dans ce sport-là. Et je pense que c'est le prochain gros sport où il y aura des accusations de dopage. Je pense que ça va être le rugby. Le cyclisme a bien pris, mais Ah oui, le rugby, c'est. le rugby, je pense que ça va. Bah, je pense que ça va de toute manière sortir à travers la durée de vie des athlètes, comme en football américain. Ah oui, il y a l'Afrique du Sud aussi, les pauvres, là, ceux qui ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, François, quand il y avait Mandela, je crois, 95, un truc comme ça? Ouais. 98, 80, en 2000, je sais plus. Enfin, c'était il y a. Enfin, ouais, Ouais. il y avait Mandela encore à l'époque et les types, ils commencent tous à mourir là. Je sais plus, ils ont regardé l'équipe, t'as déjà 5 morts alors qu'ils avaient à peine 50 ans, quoi. Ah, c'est une Bon, catastrophe. c'est un peu. Ouais. Ouais. Donc, ouais, des records pour avoir des dopés qui meurent à 50 ans, c'est peut-être pas forcément. Alors, Puis. l'article mentionne aussi il y a une discipline, c'est la natation, sur laquelle je sais Ah pas ouais, si vous vous alors rappelez là. des combinaisons. Oui, Alors, c'était ouais. super sympa, hein, t'étais devant ta télé, bon, tu savais que c'était un peu nawak ce qui se passait, quoi. Là, qui mettait 45 minutes pour mettre la combinaison. C'est ça, ouais. Il se grattait un ongle, il avait perdu 30 euros. Mais donc, il y a eu un accroissement de 3% des records entre donc 99, leur apparition, et 2010, date de leur interdiction. Et en 2010 ou 2008, enfin, ça dépend, parce qu'il y a eu, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une interdiction progressive, c'était un peu. Et encore même aujourd'hui, les maillots, c'est un peu borderline. Parce qu'il y avait à l'époque encore des maillots qui descendaient jusqu'aux genoux. Et depuis 2010, en fait, c'est une catastrophe dans la natation parce que les records sont intouchables. Et il y a eu un retour en fait aux performances d'avant, quasiment, oui. D'avant. Il y a en fait, le sport ne progresse pas entre 5 points. Quoi. Il y a un autre sport aussi qui c'est en tout ce qui est la course, par exemple 5000 mètres, 10 000 mètres ou voire les marathons. Il y a récemment une chaussure Nike qui a été bannie des marathons, justement parce qu'ils trouvent que c'est un dopage mécanique en fait. Dans la semelle de cette chaussure, il y aura une tige ou une plaque en carbone, en fibre de carbone, qui donnerait en fait tellement de rebond, c'est un ressort en fait carrément. Et du coup, le coureur dépense, je sais plus, c'est assez phénoménal, genre 3, 4 ou voire 10% moins d'énergie pour un pas égal en fait. Et je pense que la personne qui avait gagné les derniers, qui a explosé le record, le dernier marathon, vraiment un truc genre il est passé à 3 minutes devant l'ancien record, un truc comme ça, avait ces mecs là. Et donc le record est en train d'être invalidé, il me semble. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques, on va dire quelques semaines ou quelques mois là, il y a pas longtemps, il y a eu, c'est un record non officiel. Le recordman actuel. Ils ont fait une course où je crois qu'il y avait 17 médaillés olympiques et mondiaux qui lui ont servi de lièvre tout le long de la course. Ils ont attendu le jour J pour avoir les meilleures conditions météorologiques possibles. Ils ont tout mis en place pour essayer de voir ce qu'ils arrivaient à faire et s'ils arrivaient à descendre en dessous des 2 heures sur le marathon. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est sur là. Et en gros, il y a... Oui. L'article mentionne qu'il y a un certain nombre de disciplines. Enfin, ça montre qu'en gros, si on a, même sur des sports où on stagne depuis longtemps, comme le marathon, modulo, comme tu dis, les améliorations technologiques, il y a un petit peu à les passer en cherchant les conditions favorables à la limite du règlement. On peut aller gratter encore un peu. Mais en fait, ça reste à la marge. Enfin, tôt ou tard, les conditions, elles y seront les unes après les autres et. Il n'y aura plus trop de marge de manœuvre. Ouais, tu peux chercher à optimiser, mais au bout d'un moment, ça n'en vaut plus la peine. Ouais. Et alors, pour info, donc, je disais, en fait, les athlètes en eux-mêmes, musculairement, donc en taille, etc., les populations ne grandissent pas, en fait. Les populations prennent 1 cm, c'est énorme, 1 cm par génération. Donc ça c'est énorme, hein. On prie sur les dernières générations, et il semblerait qu'il y ait une stagnation globale sur l'ensemble des pays développés sur la taille. Bon, bien sûr, hein, c'est plutôt 1 cm en horizontal tous les 5 ans, hein, c'est plus trop en vertical, hein, la croissance. Voilà. Ouais. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait que les jeunes... Les petits millennials qui ont 15 ans, c'est encore des millennials, c'est encore après les millennials, je sais pas comment on va les appeler, qui apparemment auraient 30% moins de... Non, j'ai pas vraiment compris, ils auraient moins d'endurance que... Alors, je sais pas si c'est les... Enfin, il faut pas forcément taper sur les millennials, parce que je suis pas sûr qu'on soit pas concerné. Hein. Mais ce que dit l'article, c'est que les générations, on a perdu en 2 générations 30% de capacité d'endurance. Il me semble que c'était mesuré sur le 1000 mètres qui se fait au moment standard de la scolarité. Après, de là à voir si ça touche que la génération ou si les générations précédentes, je ne sais pas depuis combien de temps en fait. C'est une bonne question. Hein, depuis combien de temps cette régression est constatée en fait. Parce que quand j'étais jeune, je trouvais ma génération déjà un peu chochotte, pour être honnête. Non, mais vraiment en fait. Mais effectivement, je regardais les plus jeunes. Bon, j'ai des neveux qui sont carrément millennials, qui sont pas du tout chochottes pour le coup. Mais leurs amis à eux sont vraiment, ils auraient pas survécu. Enfin, je sais pas comment ils auraient vécu à l'époque où j'ai vécu, pourtant, qui est pas si lointaine que ça. J'ai 20 ans de plus qu'eux. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, ils ont, physiquement, morphologiquement même, ils sont pas les mêmes. Ils sont beaucoup plus minces, beaucoup plus, non, mais vraiment, on les voit un peu, pas chétifs, quoi, mais allongés pendant 8 heures devant un écran. Et donc, je me dis, effectivement, est-ce que c'est uniquement dû à leur style de vie? Je pense pas que ce soit une dégradation physique ou quelque chose, comment dire, ou s'il y a une dégradation physique, je pense qu'elle est liée à leur style de vie plus que je sais pas moi, un gélatique qui foire ou et voilà. Tu vas te prendre des hockey boomers dans le. Ouais, tu vois ce que je veux dire quoi. Je pense pas qu'ils deviennent que l'espèce humaine change en fait génétiquement. Je pense juste qu'ils sont un peu plus assis sur la cul que nous et parce qu'ils ont. Faut être honnête aussi, ce qu'ils ont sur leur écran est plus sympa que ce que nous on avait à notre époque sur nos écrans. Mais à un moment, Club Dorothée, ça va bien, mais. Voilà. Ah bah, après, je sais plus, je parlais avec des potes, je pense que peut-être le niveau moyen va diminuer encore, on pourrait voir hein, quand même. Mais le niveau, l'élite, ce sera toujours l'élite, quoi. Il y aura toujours des gens, même s'ils n'arrivent pas à faire le record du monde, etc., il y aura toujours des records, ce sera toujours agréable à regarder le sport de niveau, quoi. Donc, bon, il faudra juste peut-être se passer de records mondiaux. Et pourquoi pas, de toute façon, si c'est pour, c'est pour avoir des gens qui se dopent et qui meurent prématurément, ça, c'est pas possible de continuer comme ça, quoi. Tout à fait. Mais après, François, ce que tu disais, c'est que par exemple, sur les sports en équipe, où il y a la mesure en fait, elle est relative à l'autre équipe. Donc, le record, c'est pas de mettre 24 buts au football, en fait. C'est voilà, 3-2, bon, t'as gagné, c'est bon. Et en fait, je pense que ce seront plutôt les sports en équipe qui vont, du coup, en tirer un peu leur épingle du jeu. Bon, pour être honnête aussi, pas grand monde regarde les marathons. C'est pas un truc à grande audience. Pourtant, ça peut être intéressant. Le biathlon, tout ça, ça peut être intéressant à regarder, mais bon, c'est pas aussi passionnant qu'un match de foot, on va dire. Et donc, ouais, moi, je pense que comme dans tout, un peu toutes les sphères humaines, l'activité humaine, les gagnants gagnent plus, les perdants perdent plus vite. Donc, tu auras une redistribution de l'attention, de l'argent et peut-être aussi même des talents ou du savoir-faire dans les sports d'équipe encore plus forte qu'elle est déjà aujourd'hui, je crois. Si de toute façon un mec qui est super bon, le futur champion du monde au marathon, n'a gratté que 2 secondes sur le champion actuel. Ça, c'est intéressant aussi, hein, parce qu'effectivement, les sports d'équipe ont de plus en plus. Je vois que le foot, bon, ok, ça devient vraiment un truc incroyable, quoi, mais même le rugby est en train de monter bien comme il faut, le basket aussi essaye de tirer ça. Ouais. Il y a la NBA, etc., mais même les Français s'est tiré sur le truc. Et ces dernières années, je pense que c'est le sport collectif qui a plus marché à la télé que les JO. Ouais, clairement. C'est aussi des sports que tu peux sponsoriser plus facilement. Parce que tu as 24 maillots, 12 maillots avec le nom de ta marque. Voilà, je pense qu'ils savent mieux les équipes qu'il y a autour, les équipes de communicants qu'il y a autour des grands événements sportifs. Quand c'est des sports d'équipe, sont quand même souvent vachement plus efficaces. En fait. Et quand tu sponsorises une équipe, ça a souvent, c'est vachement plus. Tu peux pas sponsoriser l'équipe de France en fait. C'est ce que je veux dire. Au JO, je sais pas, genre, je sais pas, Carambar, sponsor officiel de l'équipe JO, ils ont pas un polo Carambar. C'est sûr. Au JO. Voilà. Non, mais ce serait voilà. Donc ça marcherait pas. Donc tous les sports d'athlétisme en fait restent finalement potentiel marketing beaucoup moindre, de communication beaucoup moindre, et du coup intéressent moins l'argent. Et du coup, ben, voilà, en fait, tous les corollaires associés, c'est moins d'argent, c'est-à-dire bon, ben, moins d'ambition peut-être aussi dans les équipes encadrantes ou d'ambitieux en tout cas. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont corrélées en fait. Alors c'est ce que tu dis là pour faire la transition alors. Il y a quelque chose, une vidéo, là, si jamais par curiosité vous voulez aller voir, c'est quelqu'un qui s'appelle Anthony Poulikin, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une vidéo qu'on trouve sur YouTube, c'est une autre histoire du sport, ou pourquoi je ne serai jamais Luis Fernandez. Et bon, il a un petit côté réac, je suis pas pour savoir si je cautionne tout ce qu'il peut raconter, mais son propos. C'est de faire le lien direct entre le sport dans l'histoire du sport, c'est-à-dire que le sport, enfin entre le sport et le capitalisme. Dans la définition de sport, c'est que sport, quand je vais faire un footing en bas de chez moi, je ne vais pas faire du sport en fait. Quand je vais faire un tennis avec mon pote, je ne fais pas du sport. Un sport, c'est un lien direct avec une question de règles et de compétition. Et qu'en fait, ce biais-là de sport avec la compétition, etc., et la mesure des performances, c'est quelque chose de très récent Et c'est directement connecté à la notion de suivant sa vision des choses. Hein, je reprends du concept. Alors, c'est ce que tu dis, ça tombe pile poil dans le positionnement en fait, marketing de Nike, qui est une. Par exemple, il y a une époque, Adidas et Nike se tirent la bourre depuis longtemps, on le sait. Adidas a complètement raté le tu sais, tout le truc du yoga et toute une espèce de truc de bien-être, en fait, de wellness. Parce que pour eux, ils définissaient le sport, c'est des bons Allemands et des bons Français, et justement, ils définissent le sport comme un truc de technique, de dépassement de soi dans l'épreuve, en fait. Voilà. Le sport, ça fait mal. et non, mais voilà, quoi, voilà. Mmh. Et le sport, ça fait mal. Il y a de la compétition, il y a de l'effort, il y a du... Voilà. Mmh. On t'en sort un peu fatigué, quand même, normalement. Alors qu'au même moment, aux États-Unis, toutes les nanas en fait commençaient à faire du yoga, et puis il y a différents types de yoga, il y a du yoga qui sont même assez on va dire intensifs hein, au niveau cardio, c'est pas juste tu fais la pose du lotus ou je sais pas trop quoi et puis voilà tu t'endors, non il y a d'autres trucs, il y a des yogas un peu plus sportifs on va dire, mais ça devenait vraiment à la mode et donc elles s'achetaient leur petit tapis, puis leur petit t-shirt et puis leur petit pantalon qui moule bien comme il faut, les petites baskets roses qui vont bien avec, les petits chouchous pour pas que les cheveux tombent dans les devant les yeux quand on fait la pose du singe grimpant le je sais pas trop quoi et donc il y avait tout un petit attirail à acheter quand on allait faire son yoga en plus d'aller voilà payer un prof de yoga ou une salle de sport etc. Mmh. Ce marché là Nike est rentré en force en repositionnant en fait sa marque pour eux le sport c'est juste maintenant le dépassement de soi. C'est plus, ça n'arrive plus rien. En fait, c'est super. Ah oui, alors. Mais oui, mais tu peux te dépasser toi-même, par exemple, quand, je sais pas, le soir, tu travailles 10 minutes de plus, par exemple. Dans la définition de Nike, en fait, c'est devenu du sport, ça. Et donc, le yoga, ça faisait partie d'un sport aussi, maintenant. C'est du sport aussi. Donc, tout ce qui est autour de ça, maintenant, ça peut être du sport. Et du coup, alors, ça leur a permis de lancer. Pour eux, c'était pas mentalement, c'était normal après de lancer des produits et de prendre de capter comme ça, on va dire, le marché du yoga en fait. Alors, ouais, je te coupe parce que je rebondis sur un truc. Alors, je viens de vérifier sur Google, c'est bien ce qui me semblait, c'est une pub Nike qui représente exactement ce que tu racontes. Alors, attention, grosse référence. C'est le film Ce que veulent les femmes. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? C'est pas avec bon. Gibson. Non. Bon, et dans le ce que veulent les femmes, vous pouvez voir sur YouTube, en fait, c'est l'invention d'un slogan pour la pub Nike, pour une campagne de pub Nike. Et c'est exactement ce que tu racontes, c'est autour de la route. C'est la route ne me juge pas quand je vais la voir, la route ne m'en veut pas si je suis pas allé la voir depuis 2 semaines, la route ne me demande pas qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, la route me fera pas de reproches, la route s'en fiche si je vais plus ou moins vite, ce qui compte c'est juste ma prochaine rencontre entre la route et moi. Et c'est vraiment... Voilà. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Non mais c'est vrai. Écoute. On croit du Paul Valéry là. C'est... Excuse-moi pour son naturel. c'est ça. Là. C'est beau. Mais c'est vrai, c'est ça en fait. Hein. Pardon. Ouais. Hein. Je disais, ouais, je regardais un peu le temps, ça tourne, et puis moi, je vais me faire un peu engueuler après. Donc, du coup, je sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être une ou deux rapidement, puis on passe à Fabien. Ouais, j'ai regardé très vite la bio de la jeune, j'ai encore oublié son prénom. Alexandra, ouais. Voilà. Ouais. Alexandra de machin truc. Ouais. Et en fait, c'est, je pense, être pas loin de la vérité. Donc, effectivement, elle a sa petite vie d'élève brillante, donc toujours attachée à sa famille, jusqu'à ce qu'elle parte. Elle a toujours été un peu politique, en fait. Donc, depuis 4-5 ans, apparemment, elle a participé au municipal de Paris en 2018. Enfin, bref. Et, je pense qu'en fait, elle est un peu comme ces femmes dans les années 70 qui a laissé dans les groupes de soi-disant terroristes d'extrême gauche là en Allemagne et en Italie et en France, il y avait toujours des gonzesses en fait qui étaient associées à ce genre de mouvement et c'était souvent des femmes de grandes universités allemandes ou françaises, de petites bourgeoisies en général en background, et je pense que c'est ça en fait, c'est le côté passionnara, l'aventure et un peu le dévoiement aussi quoi, c'est le bad boy qui est en contraste total avec donc et finalement oui c'est tard dans sa vie, 49 ans, mais je pense que c'est pas je pense que ça colle un peu au... Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Ouais. Il faudrait regarder, c'est vraiment les petites, voilà, les petites communistes, des groupes, des groupements un peu terroristes comme ça des années 70. J'aurais dû être communiste. Ouais. Mais ah, t'as la gueule, hein. Je vais jamais être tard. Oh, ça va, ça va. Aller. Tu peux te clouer le scrotum, je sais pas, devant, devant Matignon, un truc. Devant la BNP, là, pour bien les emmerder. Voilà. Ouais, bon. Bon, sans transition, Fabien. Sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles. Ouais, ben, enfin, je vais faire rapide. De toute façon, j'ai pas grand chose non plus. Parce que je voulais faire des recherches sur des anecdotes, et bon, finalement, la flemme m'a gagné. Du coup, oui, moi, je voulais te parler de robotisation, donc automatisation et un petit peu d'intelligence artificielle, donc qui est plutôt un sujet à la mode là, depuis ces dernières années, donc avec des gains, hein, donc l'automatisation des tâches répétitives, entre guillemets, sans valeur ajoutée, ou dites fastidieuses, ou des gestes répétitifs dans un autre contexte. Donc naturellement ça produit du gain de temps, du gain de productivité, ça peut permettre aussi un fonctionnement H24, donc voilà, sans interruption le soir et les week-ends. Sans grève. Voilà, ça peut pas être gilet jaune. Et la diminution aussi des risques d'erreur, hein, pour les saisies par exemple, le faible coût dans certains cas, donc quand on voit le prix le développement du coût d'un robot, alors bon, après si c'est matériel ça peut monter un petit peu plus, mais bon, au bout d'un certain nombre d'années on rentabilise quand même, donc voilà, ça attire beaucoup, et puis donc aussi la mise en place donc de KPI, hein, pour un suivi sur la productivité. Donc c'est des choses, hein, qu'on voit de plus en plus, hein. Je pense du coup notamment par exemple aux péages, hein, qui sont devenus automatiques. Donc à l'époque, il y avait, moi je me souviens en tout cas, quand on partait en vacances, il y avait un mec qui était dans sa cabine pour nous rendre la monnaie, donc à qui on donnait l'argent pour lever la barrière. Donc voilà, aujourd'hui il y a des passes où on met tout simplement la carte bleue ou notre argent sans intervention humaine. Je pense aussi donc à quelque chose qui est de plus en plus fréquent, les caisses automatiques en grande surface. Donc bon, il y a toujours évidemment des caissières, des caissiers dans les magasins, mais on voit de plus en plus de caisses automatiques où le client scanne lui-même ses articles. Il y a les usines, hein, qui sont dites intelligentes aujourd'hui, hein, qui se développent de plus en plus. Et donc plus récemment, moi, j'ai constaté sur les banques, il y a de moins en moins d'accueil. Au début, on avait toujours une personne qui nous recevait, et puis pas longtemps, donc, du coup, je suis allé clôturer un compte dans une banque, et j'avais plus personne à l'accueil, et en final, j'avais juste un ordinateur de bord sur lequel je m'enregistrais pour prendre mon rendez-vous, etc. Enfin, aller à mon rendez-vous. Donc voilà, ça prend vraiment une ampleur importante aujourd'hui, donc justement ça se pose la question de la menace sur les emplois, hein. Donc comment on va cohabiter avec ces robots, comment on va accompagner la transformation, la transition, sachant qu'il y a des pays qui investissent beaucoup plus que d'autres, hein. Enfin, je pense à la Chine par exemple, et du coup voilà, ça ouvre aussi des questions sur quels métiers vont, alors peut-être même disparaître, hein, parce qu'aujourd'hui donc on parle juste d'automatisation de tâches donc du coup c'est pas l'ensemble du travail qui est automatisé, mais bon, peut-être que justement dans les années à venir, on sait pas trop pour l'instant où on va, mais voilà, y a des emplois qui seraient potentiellement sérieusement menacés, puis les prouesses qu'on a fait aussi dans l'intelligence artificielle, notamment dans le milieu de la médecine ou ce genre de choses, donc voilà, qui sont discutables, hein, selon les analyses qu'on peut trouver sur le web, hein, donc avec des taux de réussite plus ou moins importante, et voilà. Ok, c'est tout ou t'avais encore... Non, c'est... oui. Est-ce que t'as pris le truc le plus vaste pour finir, ça, il peut y avoir plein de questions. Alors bon, moi je travaille dans la robotisation. Et, j'ai juste un petit commentaire à faire par rapport, ouais, à l'accueil dans les banques. Excuse-moi, parce que je sais qu'en plus je travaille. Donc, mais l'accueil dans les banques en France, c'est terrible. Je préfère que ce soit un robot. Allez, je pense que ça va être même pire que ça, c'est qu'il n'y aura plus du tout d'accueil. Hein. Il va y avoir, mais ça c'est encore différent. Il y a le maillage bancaire qui est pas terrible en France, il y a trop d'agences, Ouais, etc. Donc c'est un peu une catastrophe, hein, obligé d'en fermer une sur deux. Et du coup, bah, les banques en ligne se multiplient, etc. Et peut-être qu'on va avoir des statuts hybrides. Là, j'ai vu ça, là, des espèces d'auto-entrepreneurs bancaires. Peut-être que ce sera un mec, une espèce de courtier bancaire qui fera ton truc. Mais je suis pas sûr que voilà, les agences bancaires, tu vas en avoir de moins en moins. attends, auto-entrepreneur bancaire, faudrait m'expliquer parce qu'avec Bâle 2, Bâle 3 et tout ça va être un peu compliqué quand même. Ouais, c'est un nouveau statut que je crois teste la caisse d'épargne, mais je sais pas trop ce que ça donne. Honnêtement, moi je pense que c'est plus une précarisation du boulot qu'autre chose, mais bon. Ouais, c'est un Ça, peu ouais. le gars qui va recharger les batteries le juiceur là, qui va recharger les batteries Franchement, je pense qu'on ubérise le truc, quoi. Ouais, Le c'est mec, ça. Ouais, je suis d'accord. il a un contrat, et c'est malheureusement une tendance qui se, ou heureusement pour certains, qui se généralise. Mais effectivement, de toute façon, tout ça va un peu de pair avec la robotisation. Alors, l'intelligence artificielle, je connais un peu moins, mais sur la robotisation, bah, y a, même si le truc, on te le dit pas, mais quand on dit ouais, on va gagner 20%, 30% et tout, ça veut dire qu'il y aura deux mecs en moins, trois mecs en moins, où on va Ouais. pouvoir aller des pays où c'est un peu moins cher, le Maroc, le Portugal, avec des contrats locaux où tu peux virer les gens assez facilement. Donc, c'est pas le truc le plus funky, mais c'est vrai que le fait d'enlever des tâches répétitives et de peut-être d'allouer un peu des gens à des trucs plus sympas, ça peut être important. Et je dis ça parce que dans des entreprises françaises, les grosses, là, en général, tu as une espèce de pacte social. Et bon, je donne un exemple, mais je dis ça comme ça, chez Orange, tu ne veux pas faire un plan social parce que tu mets des robots comme ça, quoi. Tu vas bien négocier avec l'État avant et limite, ils vont garder des mecs dans des secteurs en placard, mais ils ne vont pas virer les gens comme ça. Donc on peut Dans imaginer, Robo. ouais, enfin, donc on peut imaginer que voilà, il n'y a pas l'aspect je vire les gens dans ces trucs-là, au moins dans ces boîtes-là. Alors, en fait, là, c'est parce que quand on entend robot, on s'imagine, on s'imagine souvent les chaînes de Oui. construction de voitures Ouais. avec les bras articulés, Non, les non. nanas. Mais un robot, ça peut être le terminal à l'écran dans le Ouais. McDo où tu commandes ton steak frites, Exactement. en fait, Exact. ou un burger. D'accord. Et du coup, les métiers du tertiaire les plus basique, répétitif, ce que tu peux déjà en fait automatiser sur un Excel en gros, serait automatisable à Ouais. merci en fait. D'accord. Donc ça touche 60% des employés en France. Il y avait une étude de McKinsey où qui avait fait ça, ouais, c'est assez violent, quoi. Hein. Peut-être pas 60%, mais je crois que c'était 40%, un truc comme ça. Et ils parlaient mondialement, eux. Ouais. Alors, Alors. en France, c'est tertiaire à 77%, un truc comme ça, je sais Ouais. plus. Alors après, en France, c'est particulier quand même. Moi, je le vois et tout. Tu peux faire un robot, si personne n'utilise ou si les mecs ils mettent toute la mauvaise volonté du monde pour faire le truc, finalement, tu vas pas forcément gagner. Les premières générations, je pense que ça va pas être la fête. Je pense que tu auras vraiment un gap qui va sortir parce qu'on est quand même. Les automates tels qu'on les connaît là dans le tertiaire, justement, je pense qu'on est encore au début et on faisait encore des POC, là, des proof of concept, il y a 2-3 ans. Donc là, on commence à faire vraiment des trucs en production, du moins dans les banques. Et donc, on n'est pas encore arrivé à maturité du truc, on n'est pas encore sur des trucs vraiment calés et il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais ça commence à venir qu'il y a. On appelle ça expatrier les gens, enfin. Ouais, mais après ça peut être Chorer les traitements. ça peut être aussi pour absorber une charge, hein, sans, enfin justement comme en général, donc on peut avoir une volumétrie qui fait x2, mais on n'aura pas le personnel en x2 quoi, donc en termes de recrutement, parce que ça coûte trop cher. Donc ça peut aussi être une solution pour absorber une charge et focus du coup, enfin mettre d'autres les personnes qui traitaient ces Ouais, cas-là sur une autre bah. tâche et pour accompagner Alors l'évolution. souvent. Souvent, ça sert un peu d'excuse aussi, hein, parce qu'ils disent, ah oui, il y a une nouvelle réglementation et tout, pour absorber les charges à la meilleure possible, on va faire des robots et tout. Oui et non, mais faut pas trop le prendre. Enfin, excuse, je crois que j'ai eu cette conversation il y a un an ou deux avec Florian là, sur la robotique et l'intelligence artificielle. À l'époque, j'étais assez négatif et tout, enfin négatif. Je pensais que vraiment, on allait vivre une révolution assez violente rapidement. Maintenant, je pense qu'il y aura toujours une révolution, effectivement. Bon, peut-être pas autant que ce que dit McKinsey et compagnie, mais je pense qu'il va vraiment se passer des choses. Mais je la vois plus douce, entre guillemets, que ce que je pensais. Je pense pas que. Voilà, tu vas avoir 40% des Donc emplois en moins. pour l'employé du tertiaire, on passe des graviers à la vaseline, en fait. Ouais, D'accord. Pardon, hein, d'être un peu Oui, brutal. non, non bah, oui, mais Bah après, ça va prendre du temps. De toute façon, enfin, on parle pareil sur 20, 30 ans. Donc, c'est pas effectivement, c'est pas une démarche qui va s'installer dès demain, quoi. Donc, Par contre, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes déjà que tu ressens. C'est que, alors là, le chômage a un peu baissé et tout. Mais alors, t'imagines, si dans 20 ou 30 ans, tu détruis 40% de postes, tu vas certainement pas en recréer 40%. Donc, ça veut dire que tu as encore plus de gens sur le carreau. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme travaux? Parce que si c'est des gens pas très Il y a qualifiés, des. etc. Il y a en plus, si tu regardes au niveau vraiment talent, je n'aime pas le mot RH parce que relation humaine, je trouve ça un peu débile comme ou capital humain, je trouve ça très moche comme approche. Mais si tu regardes vraiment au niveau des talents et des gens, l'une des plus grandes, l'un des plus grands soi-disant atouts de la robotisation et l'automatisation, c'est que finalement, on aura du temps libre pour exercer nos talents et notre créativité. Regarde autour de toi qui est créatif. Ce sont en général les gens qui ne seront déjà pas remplacés par des robots. Ouais, ce que j'allais dire, Oui. c'est pas forcément les gens qui ont des tâches répétitives qui sont les plus créatifs, même si c'est toujours la même chose. Voilà. Et même sur des boulots où on se dirait sur le type de travail intellectuel, par exemple comme les juristes, les avocats, on en avait parlé d'ailleurs il y a 2 ans, il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent en fait des softwares en cloud ou en SaaS. Pour remplacer justement les avocats. Alors là, c'est plus Et de l'intelligence artificielle, mais ouais. sont connectés, hein, ça se touche. C'est de l'AI, mais ouais, voilà. Mais jusqu'à, je pense que c'était en Chine, et ils ont testé, ou au Japon, je sais plus où. Il me semble que c'était en Chine, c'est peut-être à Shenzhen. Ils avaient testé un juge, intelligence artificielle, dans une cour de justice. Et quelqu'un s'est effectivement pris une amende, en plus assez élevée. Enfin, c'était donc jugé par une intelligence artificielle. Donc il y a des tests aujourd'hui, bon, pas en Europe heureusement, mais pas encore. Donc de pas juste faire. Effectivement, tu peux te dire bon, on va automatiser les contrats ou les voilà tout ce qui est un peu automatisable, mais en fait finalement avec une intelligence artificielle qui est pas forcément voilà à interpréter la loi et juger quelqu'un. Alors ça me Bon, fait penser, c'est un peu violent. ouais, mais Ouais. il a pas tort, hein. C'est vraiment des tests qui sont en train de se faire. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, nous, enfin ce que tout le monde fait, première couche, tu fais de la robotisation pour des tâches entre guillemets pas trop intelligentes. Deuxième couche, tu mets l'intelligence artificielle pour choper les tâches un peu plus intelligentes. Ouais. Et effectivement, alors là, c'est pour ça que je suis un peu plus optimiste, c'est que bon, déjà qu'on a un peu du mal à robotiser, même si ça se fait, hein, mais ça se fait pas forcément dans les meilleures conditions. Je pense que pour l'intelligence artificielle, il y a encore un autre gap à franchir parce que là, tu peux pas. C'est dur de tester une intelligence artificielle. Il faut vraiment des compétences particulières. Faut vraiment. Enfin, c'est compliqué de préparer des scénarios, etc. Parce que on peut pas couvrir aussi facilement qu'un logiciel normal, quoi. Il y a Donc, des phases d'apprentissage aussi, hein, ouais, il y a une phase le deep d'apprentissage. learning. Justement, parce que le moteur, enfin, d'intelligence artificielle se crée lui-même ses propres règles Voilà. avec la data que tu lui donnes, en fait. D'accord. Ouais. Et donc, c'est un système qui se crée, en fait. Et donc, tu sais pas comment. C'est l'émergence d'un système, on ne peut pas le prévoir, normalement, en fait. Si j'ai bien compris. Ouais, alors on essaye quand même de prévoir, mais Oui. effectivement, en tout cas, ça demande des tests qui sont différents de ce qu'on fait ailleurs et des compétences particulières et peut-être des phases de tests plus longues que sur d'autres choses. Mais on va y arriver. Il y a déjà. Ouais, vas-y. Je pense que là, on tombe carrément dans le dystopique, c'est sur le prédictif où une entreprise comme Facebook, même quand tu n'es pas inscrit à Facebook, en gros, ils savent quand tu prends ta douche, par exemple. Et je me souviens à l'époque où on analysait je travaillais dans une entreprise qui analysait souvent les data des réseaux sociaux, et à l'époque, c'était un peu open bar, hein, Facebook et Vkontakte et tout ça. Donc ça s'est bien calmé depuis, mais à l'époque, on avait accès à tellement de data et on pouvait, il me semble, c'était en 2011, prédire avec en gros 85% de certitude les personnes qui étaient à risque de crise cardiaque, de C'est ce que diabète. j'allais dire. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Ouais, mais Et c'est. Vas-y, vas-y, continue. maintenant qu'en fait, il y a le maillage en fait de la data est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intense. Tous les sites web maintenant, les petits favicon, Facebook ou Instagram ou les autres en fait, et donc ils te chopent en fait, ils te suivent sur tous tes déplacements en ligne et ta montre connectée aussi, du coup, et aussi ton téléphone et aussi ton bref. que tu peux collecter un ensemble de data tellement hétérogène sur une même personne, et surtout son groupe d'amis, et surtout son groupe social, et son groupe au boulot, qu'en appliquant des intelligences enfin, des moteurs d'intelligence artificielle en batterie, parce que c'est des fermes voilà, d'intelligence artificielle, tu peux faire du forecasting de malade. C'est pour ça que les gens aujourd'hui te disent, ah, mais c'est dingue, hier soir, j'ai parlé avec un ami de la chanteuse Sabine Paturel, et ce matin, j'ai vu une pub pour Sabine Paturel sur Facebook. C'est Ouais. fou, hein, c'est bien fait, hein. Mais c'est pas parce qu'ils t'ont écouté, hein. C'est même pas Non, ça. c'est le hasard. C'est juste. Ouais, alors, non Ah, mais. parce qu'ils Non mais... peuvent t'écouter littéralement maintenant avec les Alors, enceintes Alexa, connectées, ouais. etc. Et Ouais. ça, c'est bien Là, aussi, oui, ça. effectivement. Effectivement, Alexa, c'est du. Ça, c'est énorme. Mais il Ouais. faut vraiment être un peu taré pour. Mais bon. Mais bon, après, il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Et voilà, mais ouais, ça, non, hors de question. Ah oui, c'est. Moi, T'as je rebondis un peu ce que tu disais parce que, effectivement. l'impression d'avoir, excuse-moi, t'as l'impression d'avoir un monsieur de la NSA dans ton salon avec Ouais, toi. bah c'est ça. Ouais, Voilà. Bonjour c'est monsieur, un petit café, non, ça quand tu as dit, va? mais c'est bien. Ouais, ça me passe de la musique. Je sais pas, ouais, bah, tu prends une playlist. Après, moi, je trouve qu'à contrario de tout ça, mon client principal actuel est un des plus gros acteurs maritimes, fretteur maritime, hein, mondial. Et en fait, à l'échelle, elle est des je sais pas combien, moi, des 20 dernières années, enfin, c'est un monde de concret et plein de cambouis hein, dans la vraie vie, avec des conteneurs, des gros bateaux qui vont traîner à l'autre bout du monde. Et il n'évolue pas tant que ça le métier en fait. Enfin, il y a eu des bateaux plus gros, etc. Mais tout ça, le côté prédictif, les données, les moyens informatiques, la robotisation, c'est à une vitesse d'escargot. C'est hallucinant. Et alors, hein, sans tacler à mon client, hein, mais et les concurrents mondiaux, etc. On se dit, non, mais c'est pas possible, vu comme c'est difficile là, mais on est en train de prendre des wagons de retard sur les concurrents, c'est pas possible, il y en a un qui va sortir un truc énorme, etc. Non, non. La Pas du réalité, tout. enfin, la réalité concrète, parce qu'on Ouais. oublie un peu, on est dans l'immatériel avec les Facebook et tout. Enfin, pour vous donner juste un exemple, hein, c'est quand on prend un conteneur, on achète un conteneur, enfin, on prend un booking pour un conteneur, aucun affréteur maritime ne s'engage sur la date d'arrivée à destination. Je prends de Hambourg à Shanghai, je ne sais pas quand ça arrive. Concrètement, il n'y a rien qui est indiqué, mais contractuellement. Parce que, en fait, le monde réel, c'est que bah, je sais même pas si mon bateau, quand il va arriver, quelle escale. Enfin, j'ai une idée, hein, du voyage, mais je ne m'engage pas contractuellement dessus, quoi. Enfin, la majorité. Donc voilà, ça fait. Moi, je trouve ça amusant de relativiser un petit peu, des fois, se dire non, mais ça marche pas comme ça, quoi. Mais il y a Oui, mais aussi parce. Enfin, j'ai un juste de client en rebondir. retail. Ouais, juste Vas-y. pour abonder dans ton sens, j'ai un client en retail qui vend des vêtements en fait de mode. Et je me suis dit, ce serait marrant de pouvoir faire du forecasting. Donc j'ai regardé en fait tout ce qui se fait en recherche académique sur le forecasting pour le fashion depuis 15 ans. Et tout ce qui est intelligence artificielle, les différents modèles, différents modèles statistiques, etc. Et il n'y a rien ne fonctionne. C'est-à-dire que il y a des modèles qui ont permis de réussir à optimiser à 3%, ce qui est que dalle, parce qu'en fait, t'as des deltas de 40% sur les collections de vêtements à vendre, en fait. Donc c'est pour ça que tu as toujours des soldes t'as une solde ou des trucs en vente tous les mois. Parce qu'il y a 50% de la collection qu'il faut écouler quand même. Donc ça, en partie les business models et certaines des chaînes de vente, mais c'est aussi lié à l'impossibilité complète de prédictif en fait en mode sur la mode sur les vêtements. Et pourtant ça fait 15 ans que Zara, enfin Inditex et tous les plus gros groupes dépensent du fric là-dedans et ils n'ont rien encore sorti de voilà. Ouais, mais enfin, t'as plusieurs choses. T'as quand même. Ce que dit François, en fait, c'est ce que tu dis aussi, c'est que des fois, t'as pas besoin, entre guillemets, si ça marche déjà assez bien, si les concurrents ont pas fait non plus des progrès, machin, Ah non, mais pourquoi tout le monde essaye. tout le monde essaye, ouais, mais je Mais veux juste, dire. enfin, ce que je veux dire, c'est que là, ils ont déjà tellement de difficultés opérationnelles. Enfin, tu te confrontes à une réalité matérielle, tu ne traites pas que de la donnée, quoi. Ouais, oui, tout à fait. C'est Mais concret. il y a deux choses. Il y a effectivement, bon, faut voir l'état de la concurrence, l'état de l'art, et voilà, si tu en as vraiment besoin. Et l'autre truc, c'est si les modèles, si rien ne marche, puis ça marche pas encore, bah c'est normal de ne pas avancer rapidement. En fait, il faut savoir quand même sur les modèles prédictifs, les analyses de données, etc. C'est souvent, ce sont des théorèmes matheux, etc., qui viennent des années 70-80. Toute la théorie était là. Seulement, le problème, c'est qu'on n'avait pas la puissance nécessaire machine pour faire tourner les trucs. Ça prenait trop de temps, donc on faisait la partition là, par, je sais plus quoi, lecteur propre. Bon, bref, ACP, l'analyse en composante principale, pour trouver les bons trucs et tout. Et pour essayer de diminuer le calcul à faire, parce que c'était trop difficile à calculer. Sinon, il y a tellement de corrélations, en fait, de comment on appelle ça en français, je sais plus. Le piqué, en gros, c'est la base, si tu veux pas t'emmerder, si t'as 5 ou 6 variables et que t'as une quelques lettres, pas un ordinateur, en fait. Ouais, voilà. Mais maintenant, le truc est tellement puissant, même ton téléphone portable, maintenant, il est plus puissant qu'un ordinateur et tout, que ça t'arrive maintenant à des trucs où ça tourne. Hein. Moi, j'ai fait tourner des trucs sous R et tout, ça marche bien. Hein. Donc la théorie est là. Après, il faut tester, il faut que ça marche, puis voir et tout. Voilà. Ouais. Je pense que, alors moi, je suis un peu pris par le temps. Je pense que les autres aussi. Mmh. Donc quelqu'un veut faire un mot de la fin ou on conclut sur le monde. Ce sera bien demain, même avec l'intelligence artificielle. Voilà. On te laisse conclure, vas-y, fais-nous rêver. Non, mais moi je pense sincèrement que ça va pas être aussi chaotique que ce que je pensais il y a encore un an ou deux, que ça va mettre un peu de temps, et peut-être qu'on aura un modèle économique et social qui prendra en compte ça, alors peut-être avec un salaire universel ou des choses comme ça, parce que tu vas pas pouvoir laisser des gens comme ça sur le carreau, créer pas mal de richesses, peut-être créer encore plus de richesses que maintenant, et avoir la moitié des gens qui crèvent la dalle, quoi. Donc voilà, bon après, c'est peut-être un peu utopiste et optimiste, mais je pense que c'est possible quand même. Tu diras pas ça quand tu seras jugé par une IA. Bon, on se quitte sur mon optimisme. Merci à tous. Hein. Et puis, donc vraiment, j'ai enregistré. Je me tiendrai au courant des trucs sur le forum, l'épisode 0. Bon, ouais. Super. Allez, merci, c'était sympa. Bonne soirée. Bonne soirée. C'était chouette. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais.